Je circule en agglomération. L'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Le cycliste qui me précède circule normalement. Je n'ai pas assez de place pour le dépasser, mais il ne présente aucun danger particulier. Je ne klaxonne pas. Je ralentis, je maintiens une distance de sécurité suffisante derrière lui et j'attends des conditions plus favorables pour le dépasser. Réponse B et C.